Chapitre 12e. Vers 9h du soir, André entra dans la salle à manger de Langlois, où la famille se réunissait ordinairement le soir sous la grande lampe. Le cœur lui battait bien fort. Quand il aperçut Marguerite, assise auprès de sa sœur, il lui sembla que tout son sang s'était arrêté dans ses veines. Il salua les deux jeunes femmes sans oser s'approcher et s'assit sur une chaise que lui indiquait Langlois à son côté. « Mon cher ami, » dit celui-ci, très pâle, beaucoup plus ému qu'il ne voulait le paraître, « ma belle-sœur accepte, tellement en principe. » Les yeux d'André cherchèrent ceux de Marguerite et les rencontrèrent. Elle était aussi très pâle, mais elle n'essaya point de se dérober. C'est son regard qui répondit, oui, à la muette question de celui qu'il aimait. Mais dans l'application, ceci est presque irréalisable. C'est pourquoi j'ai cru devoir réserver mon consentement jusqu'à ce que nous ayons résolu certaines questions. Et la première est celle-ci. Es-tu moralement absolument convaincu que celle que tu avais épousée soit morte ? André resta pensif. Florence lui avait demandé la même chose. Il pouvait donc y avoir des gens qui doutaient de la mort de Rose. Cependant, la question ne s'adressant qu'à lui seul, il répondit d'une voix ferme, le regard assuré. « Moralement, j'en suis absolument convaincu. Mais tu n'en as pas la moindre preuve, pas la moindre. Sauf que je l'ai vu sauter dans le fleuve rapide qui coulait à 30 pieds au-dessous de moi, que j'ai cherché son corps sans le retrouver, je l'avoue, et que jusqu'à présent aucun indice ne m'a fait supposer qu'elle ait pu échapper à une mort plus que vraisemblable. » Marguerite continuait à regarder André avec ses grands yeux pleins d'horreur et de pitié. La pensée qu'un homme vivant avait pu passer par de telles épreuves la terrifiait, et cet homme était sous ses yeux. Après tant de peines, il demandait à être consolé par elle. Si elle ne l'eût pas aimé déjà, toute la compassion que contient le cœur d'une femme le poussait vers cette victime d'un malheur immérité. « Que comptes-tu faire ? » demanda Langlois. « Régulariser ma position si promptement que possible ?» répondit aussitôt André. « Sais-tu quelles seront les conséquences de cette démarche ?» Le jeune homme le regarda inquiet. « Il va y avoir une enquête. C'est à toi de la demander. Toutes les actions de ta vie vont être soumises à des recherches rigoureuses. On en fera autant pour la femme qui a porté ton nom. Es-tu prêt à subir tout cela ?» André avait frissonné à la pensée de livrer à d'autres le douloureux secret de sa vie conjugale. Mais il regarda Marguerite et son courage lui revint. « Je suis prêt, » dit-il. Langlois resta silencieux un instant. Il avait dans l'esprit quelque chose qu'il craignait de dire et cependant il devait parler. « André, il y a une chose à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. Mais moi, depuis ton retour de Belgique, je n'ai jamais laissé s'écouler une journée sans y songer. T'es-tu dit qu'il suffisait d'une dénonciation calomnieuse, moins que cela, d'une parole imprudente, pour que tu sois accusé de t'être défait volontairement d'une femme, dont tu avais les meilleurs motifs d'être mécontent ? Claire avait poussé un petit cri et saisi la main de Marguerite. Celle-ci ne fit pas un mouvement. Cependant, sa pâleur s'accentua et ses yeux jetèrent un éclair. « Non, » dit l'ingénieur en regardant son ami bien en face. « Je n'ai jamais pensé à cela. J'avais la conscience pure. C'était assez pour me défendre contre de vaines terreurs. » Marguerite quitta sa place et fit quelques pas vers André qui s'avança à sa rencontre. Leurs mains s'étreignirent. Ils restèrent immobiles, éperdus, sous les yeux de monsieur et madame Langlois. « Je crois en vous, » dit la jeune fille en laissant tomber ses mains le long de sa robe. « Je ne sais pas ce qu'il adviendra de tout ceci, mais je vous jure, monsieur, que je serai votre femme ou je ne serai celle de personne. » « Eh bien, » dit Langlois, « dans ce cas, il ne faut pas perdre un jour. Dès demain, André commence les démarches nécessaires car ce sera long. Il ne faut pas vous le dissimuler. » « J'aurai de la patience, » répondit le jeune homme en relevant fièrement la tête. « Je vois devant moi un avenir tel que je ne le paierai jamais trop cher. Il vous faudra du courage, mademoiselle, mais vous en aurez. » Marguerite s'était rapprochée de sa sœur. Elle jeta à celui qui, dès 7 heures, était son fiancé, un regard plein de confiance. André sortit, accompagné par Langlois, qui causa avec lui en se promenant sur les quais déserts jusqu'à 1 heure avancée de la nuit.